ivresse. Ah, le goût des oranges dans le coin trop glacé, et rassé les nuances d'un bourbon bien tassé. Enfin, sur un champagne, raide rare ou bien jouette, un peu plus vaporeux, je nous fais une fête. J'aime le son des corps plongés dans les émois, quand suave, sensuel, les liqueurs me foudroient. Accroché prudemment aux bras qui se présentent, avant de trop sombrer dans tes yeux qui me hantent. L'amour est enivrant, fatale effervescence, et mon sang véhicule cette trouble espérance que tu vas me céder tes secrètes beautés dans les emportements de nos peaux excitées. Tout est plaisir alors dans cette folle ivresse, quand tes tendres défenses cèdent sous mes caresses et le temps se dilate de soupirs en soupirs vers une éternité où je cueille un empire.